سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفثتها. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى كونوا ربانيين علماء حكماء حلماء فقهاء. ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار علم قبل كباره. Le guide des croyants en matière de hadith, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Jami' al-Sahih, le chapitre La science avant la parole et l'acte. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache donc en vérité qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Il a commencé par la science. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'acquiert a certes acquis une immense part. Et celui qui emprunte un chemin pour y rechercher la science, Allah lui facilite un chemin pour le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: seulement parmi mes serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Et Allah Azza wa Jal a dit: et ne les comprennent que les savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ils dirent: si nous avions écouté, ou bien nous avions raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et de même, Allah Azza wa Jal a dit: dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils équivalents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah désire du bien ou veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et de même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: seulement la science s'acquiert par apprentissage. Et Abu Dharr radiallahu anhu a dit: si vous me placiez l'épée sur ce membre, et il a montré sa nuque, puis je suis convaincu ou je suis certain de transmettre une parole que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que vous ne m'exécutiez. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soyez éducateurs, c'est-à-dire savants, sages, patients et doués de compréhension. Et on dit que l'éducateur est celui qui éduque les gens en commençant par les bases simples de la science, avant les points compliqués ou difficiles. فهنا قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَعْلَمْ أي يعلم الحق والهدى سواء كان في أصول الدين أو في فروعه بالعقائد وبالعبادات وبالأفعال وبالمعاملات كل ذلك مطلوب فيه العلم أن يتقدمه العلم حتى يكون القول على الهدى ويكون العمل على الهدى بخلاف إذا لم يكن العلم موجودا فقد حصل العمل على الضلال وعلى الجهل ويكون ذلك العمل سيئا ويكون ذلك العمل ضارا ويكون العمل نافعا ومفيدا إذا سبقه العلم فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهنا في قول الله عز وجل على بصيرة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره البصيرة هي العلم والحجة والبرهان إذن إذا كان الأمر كذلك يدعو ويبلغ الناس بعد العلم إسي البخاري رحمه الله تعالى donc en intitulant son chapitre la science en va la parole et l'acte il s'est argumenté donc de la parole d'Allah le Très-Haut qui dit sache en vérité qu'il n'y a point de divinité à part Allah donc sache il faut que le serviteur connaisse la vérité il faut qu'il connaisse la guider que cela concerne les bases de la religion ou que cela concerne les sciences qui découlent des bases de la religion, que ce soit la croyance ou les points de croyance, que ce soit les adorations, que ce soit les actes, que ce soit les relations entre les humains. Donc tout cela est demandé et recherché. En tout cela, il y a la science. Et donc, il faut que la science précède cela afin que la parole soit sur une bonne guidée, afin que l'acte soit sur une bonne guidée. Et contrairement, si maintenant l'acte n'est pas précédé de science, ou si l'acte qui est accompli n'est pas accompli avec science, alors l'acte qu'on accomplit, il se peut que cet acte soit un égarement, ou il se peut que cet acte a été accompli avec ignorance. Et de cela découlera que cet acte sera un mauvais acte. Et découlera que cela, que cet acte peut même nuire à la personne et à la communauté. Et donc l'acte, il sera utile. Et l'acte sera profitable s'il est précédé de science. Et donc, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Yusuf, dit, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Et gloire à Allah, je ne fais point partie des associateurs. Et donc ici, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec clairvoyance, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, a dit, la clairvoyance est la science, l'argument et la preuve. Et donc, celui qui imite ou qui veut suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant d'appeler, d'inviter les gens, il faut qu'il acquiert la science. Et s'il a la science, à partir de là, il pourra appeler les gens et transmettre aux gens. فعند قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه الكلمة هي أعظم المطلوب وأعظم المعلوم وهو ألوهية الله الإخلاص إخلاص العبادة لله فلذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل به الكتب وهو عبادة الله وحده لا شريك له يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول الله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره فمعرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والألوهية هي الأساس. Et donc ici, dans le verset par lequel Al-Bukhari rahimahullah ta'ala s'est argumenté, sache donc qu'il n'y a point de divinité à part Allah. La ilaha illallah. Le sens de cette parole est la ma'bouda bihaqqin illallah, point de véritable divinité à être adoré hormis Allah. Celui qui est digne d'être adoré sans rien lui associer est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole comme l'ont expliqué les gens de science, elle renferme deux piliers. Elle renferme le pilier al-nafyu wal-ithbat. Al-nafyu, le rejet, c'est de rejeter toute divinité. Et l'attestation, d'attester que l'adoration unique que doit être vouée un culte exclusif seulement à Allah, c'est ikhlasul ibadati lillah, c'est de vouer un culte exclusif à Allah. Et donc, c'est d'adorer Allah uniquement sans rien lui associer. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses messagers. Il a fait descendre ses livres pour l'unicité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nahl, les abeilles, et certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah, c'est-à-dire adorez Allah exclusivement et écartez-vous du tarout. Le tarout, comme l'a dit le grand savant Cheikh Salah ibn Fawzan al-Fawzan hafizahallahu ta'ala, at-tarout huwa ash-shirk, ici c'est l'association. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous l'avons envoyé avant toi, et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans que nous lui ayons révélé. Point de divinité à part moi, adorez-moi donc. Et de même, des messagers, que ce soit Salih, Hud et d'autres, quand ils se sont rendus vers leur peuple, quand Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés à leur peuple, ils leur ont cité cette parole. Adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité à part lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. Il a fait descendre ses livres pour cette parole d'unicité. Et cette parole d'unicité est la plus importante chose que le croyant doit rechercher. Et c'est la plus importante chose que le croyant doit connaître. Il doit commencer, lorsqu'il va apprendre la science, commencer à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître son Seigneur par sa seigneurie, par l'adoration, en connaissant ses noms, en connaissant ses attributs. Et le point le plus important est l'unicité d'adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. Il a envoyé ses messagers et a fait descendre ses livres pour cette catégorie d'unicité. Il n'a pas envoyé ses messagers et il n'a pas fait descendre ses livres pour la première catégorie d'unicité qui est le tawhid ar-rububiyya, l'unicité de seigneurie. Car le peuple, exemple, vers lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu pour toute l'humanité. Il n'est pas venu vers son peuple pour leur faire attester l'unicité de seigneurie. Car son peuple connaissait cette unicité. La preuve, dans la parole d'Allah azza wa jal, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre? Ils te diront Allah. Donc ils connaissaient cette unicité. Mais là où il y a eu opposition entre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et son peuple, et concernant cette unicité, التوحيد الألوهية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. Ensuite l'auteur a dit, il a commencé par la science. Donc il a commencé dans ce verset par la science. Et il a ensuite dit, et certes les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui l'acquiert, acquiert une immense part. فَالْعِلْمُ مِرَاثُ الْأَنْبِيَا وفيه سعادة الدنيا والآخرة فالأنبياء لم يجمعوا الدراهم ولم يجمعوا الدنارير ليورثها لأقاربهم كغيره من الناس وإنما جاءوا بالعلم وهو ميراث لكل أحد فمن أراد أن يكون له نصيب من هذا الميراث فليحصل طريق العلم أو فليأخذ طريق العلم وهذا الميراث مبذول لكل أحد وميراث الأنبياء ليس خاصا لأقاربهم. La science est l'héritage des prophètes. Cette science, il y a bonheur ou suscite bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les prophètes, les messagers, ils n'ont pas dans leur vie amassé des darahim. Ils n'ont pas amassé des dananir. Darahim, qui est le pluriel de dirham, qui est une monnaie. Dananir, qui est le pluriel de dinar, qui est une monnaie. Ils n'ont pas amassé cet argent afin de le laisser en héritage à leurs proches, comme autres parmi les êtres humains. Mais seulement, les prophètes messagers sont venus avec la science. Et cet héritage, il est pour tout le monde. Il est accessible pour tout le monde. Que celui qui désire sa part de cet héritage qu'ont laissé les prophètes, qu'il emprunte le chemin de la science. Cet héritage laissé par les prophètes est un don pour tout le monde. Et cet héritage des prophètes n'est pas spécifique à leurs proches. C'est un héritage qui est accessible à tout le monde, que celui qui désire sa part, qu'il emprunte, qu'il suit le chemin de la science. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Et donc ici, l'auteur a mentionné la parole que nous avons vue auparavant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si l'auteur voulait signifier que celui qui désire acquérir l'héritage des prophètes, mais qu'il emprunte le chemin de la science. C'est pour ça qu'il a dit, ceci est tiré du hadith que nous avons vu auparavant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin pour y rechercher la science, Allah lui facilitera un chemin au paradis. Donc celui qui désire acquérir l'héritage des prophètes, qu'il emprunte le chemin de la science. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء يخشون الله على حقيقة وهذا لا يعني أن غيرهم لا يخشون الله فخشية العلماء لله سبحانه وتعالى حصلت بالعلم وبمعرفة الأحكام الشرعية فوقفوا عليها وهذا ورثهم الخشية. Et donc ensuite l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, seulement parmi ses serviteurs, ceux qui le craignent le plus sont Allah, sont les savants. Ceux qui le craignent le plus sont les savants. Et donc, ici, les savants craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, véritablement. Cela ne signifie pas, dans ce verset, que autre que les savants ne craignent pas Allah. Et ici, la crainte qu'ont les savants d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'est produite avec la science et la connaissance des statuts de la législation. Et cela, la science et la connaissance a fait qu'ils héritent de la crainte. ثم قال وقال وما يعقلها إلا العالمون. فهنا في هذه الآية الها الضمير يعود إلى الأمثال. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وتلك الأمثال ندربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعقلها يفهمها يفهم المراد ويفهم الارتباط بين المثل وما مثل به إلا العالمون لأن الجهلة أو الجهال يقرؤون الأمثال ولا يفهمون الارتباط. Et donc, ensuite, Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, a poursuivi en s'argumentant d'un autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne les comprennent que les savants. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé un pronom. Et ce pronom revient aux paraboles. Le début du verset, Allahu Azza wa Jal dit, telles sont les paraboles que nous citons aux gens, et ne les comprennent, c'est-à-dire comprennent les paraboles, que les savants. Les savants comprennent le sens de ces paraboles. Ils comprennent le lien de ce de l'exemple et de l'exemple qui a été donné avec ce qui a été assimilé. Ils comprennent le lien, contrairement aux ignorants. Les ignorants, ceux qui n'ont pas de science, ils vont lire les paraboles, mais ils ne vont pas comprendre le lien entre cet exemple et ce que Allah recherche, ce que Allah désire. Ils vont lire sans compréhension. Contrairement aux gens de science, ils liront ces paraboles et comprendront le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu signifier par cette parabole. ثم قال المؤلف رحمه الله واستدل بقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذه الآية جاءت قبل آيات أخرى يقول الله عز وجل أولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهنا عندما قال الله عز وجل لو كنا نسمع أي السمع التفهم والانقياد وإلا فهم أي الكفار والمشركون يسمعون فسمعوا ما جاءت به رسلهم وما بلغتهم. وعندما قال الله عز وجل أو نعقل أي لنا عقل لأن العاقل يطلب الحق وإن لم يسمع والفطرة تدل على الحق. وأما السمع هنا فإذا مثلا قرأ القرآن وهو شهيد القلب انتفع بذلك، فلهذا يقول الله عز وجل في السورة قف إن في ذلك لذكرى لمن له قلب وألقى سمعا وهو شهيد. Et donc ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est ensuite argumenté d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils dirent, si nous avions écouté ou nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de la fournaise. Ce verset par lequel s'est argumenté l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, vient à la suite d'un autre verset où Allah Azza wa Jal dit, c'est dans Sourate Al-Mulk, quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent, mais si. Il nous est venu un avertisseur, mais nous avons crié au mensonge. Et nous avons dit que Allah ne nous a rien fait descendre. Et certes, vous êtes dans un très grand égarement. Et ils dirent, si nous avions écouté ou nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de la fournaise. Et donc ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ils dirent, si nous avions écouté, Le sens, si nous avions écouté, c'est une écoute de compréhension, une écoute d'obéissance. Car les kuffars, les mécréants, ou al-mushrikoun, les polythéistes, les associateurs, ils écoutaient, ils entendaient ce avec quoi sont venus leurs messagers et ce avec quoi les messagers leur ont transmis. Donc ceci est le sens de la parole Nasma' dans ce verset. Et ensuite Allah Azza wa Jal dans le même verset a dit Naqilu, raisonner, nous avions raisonné. C'est-à-dire nous avions une raison. Et comme l'ont dit les grands savants, la raison ici est le cœur. Comme l'a dit le très grand savant Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. La preuve, elle va être citée dans quelques instants. Donc, celui qui est doué de raison, qui a un esprit, il recherche la vérité, même s'il n'a pas entendu. Et la nature saine indique à la vérité. Donc celui qui recherche la vérité, il la trouvera, s'il est sincère. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si nous avions entendu, celui qui veut tirer profit, comme l'ont dit les gens de science, celui qui veut tirer profit de l'écoute, il ne suffit pas simplement qu'il écoute, mais qu'il faut qu'il soit témoin avec son cœur, son esprit, qu'il soit attentif. Exemple, lorsqu'il va écouter la parole d'Allah Azza wa Jal, il l'en tirera profit. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Qaf, et certes, en cela, il y a un rappel pour celui qui a un cœur. Et ici, dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour celui qui a un cœur, c'est-à-dire celui qui a une raison. Et c'est pour cela que le très grand savant, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, a dit l'aql, la raison, elle est dans le cœur. Que celui qui a un cœur, pour celui qui a un cœur, et celui qui écoute tout en étant témoin. Donc pour tirer profit de l'écoute, il faut écouter en étant attentif, témoin de ce que la personne dit. فَلَوْ كَانَ إِسْتِعْمَالُ عُقُولِهِمْ إِلَى وُصُولِ مَا يُنْقِذُهُمْ مِنْ وُقُوعِ فِي النَّارِ عَلِمُوا وَعَرَفُوا الْحَقِّ لَسَلِمُوا مِنْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Et donc, si les kuffars, les mushrikoun, si ils avaient utilisé leur raison pour parvenir à être sauvés de tomber dans l'enfer, en ayant appris et en ayant connu la vérité, ils ne seraient pas parmi les gens de la fournaise. فهم لم يعقلوا عن الله شرعا وأمرا ونهيا فصار ما ألهم وكان نصيبهم أن يكونوا من أصحاب السعير. Et donc ici les mécréants, les associateurs, ils n'ont pas compris ou raisonner au sujet d'Allah concernant la législation, les ordres d'Allah, les interdictions. Et c'est pour cela que leur fin a été d'être parmi les gens de la fournaise. ثم استدل البخاري رحمه الله تعالى بقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Et donc ensuite al-Bukhari رحمه الله s'est argumenté d'un autre verset en disant, en citant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit: ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils équivalents? Ensuite, il s'est argumenté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Et ensuite il s'est argumenté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et ensuite al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il s'est argumenté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est: innama al-ilmu bit-ta'allum. Ce hadith, comme nous l'avons cité, est rapporté par Ad-Darqutni et aussi par Al-Khatib al-Baghdadi rahimahumullah jami'an. Et le hadith suivant dont al-Bukhari rahimahullah s'est argumenté et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: seulement la science s'acquiert par apprentissage. Fal-ilmu yakunu bit-ta'abi wa yakunu bin-nasabi wa la yakunu bir-raha. فلهذا قال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى كما جاء في مقدمة صحيح مسلم أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم يحتاج إلى مشقة وببذل نفسه لحصول عليه، وأما الراحة فلا يحصل النتيجة، فالعلم لا يأتي وحيا ولا إلهاما من غير سبب، وإنما يأتي بتعلم وبالصبر عليه. Et donc ici, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit: seulement la science s'acquiert par apprentissage. La science, elle ne s'acquiera qu'avec difficulté, qu'avec peine. Et elle ne s'acquiera pas, la science, avec repos. Et c'est pour cela qu'il y a un salaf du nom de Yahya ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Vous trouvez cette parole dans la préface de Sahih Muslim, que ce salaf a dit: la science ne s'acquérera pas avec le repos du corps. C'est-à-dire que la science nécessite, pour qu'on puisse l'acquérir, difficulté, que la personne fournisse de sa personne pour acquérir la science, et le repos ne sera pas une solution, ou le repos ne produira aucun résultat si celui qui désire acquérir la science. Et la science, elle ne peut s'acquérir par révélation. Elle ne peut pas s'acquérir par inspiration, sans aucune cause. Mais seulement la science, elle s'acquiert en apprenant, en étant patient. ثم استدل البخاري رحمه الله تعالى بقول الصحابي هو أبو الذر رضي الله عنه فقال أبو الذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصمة على هذه وأشار إلى قافاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها فهذا بيان على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من السنة وتبليغها فلهذا حفظ الله بالصحابة هذا الدين ووصل إلى الناس الكتاب والسنة بواسطتهم فما عرفوا الناس الحق والهدى إلا عن طريقة الصحابة فهم دلون على الخير وهم سبقون على الخير. Ici, lorsque Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il s'est argumenté de la parole du compagnon Abu Dharr radiallahu anhu, qui a dit: si vous me placiez l'épée sur ce membre, et il a montré sa nuque, puis je suis certain de transmettre une parole que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que vous ne m'exécutiez. Et donc ici, cette parole est un éclaircissement pour montrer ce sur quoi étaient les compagnons, qu'ils attachaient grandement importance à la sunna et qu'ils attachaient grandement importance à la transmettre. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais des compagnons, il a préservé cette religion. Et le livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenue aux gens par l'intermédiaire des compagnons. Et les gens ont connu la vérité et ils ont connu la guidée que par le biais des compagnons. Les compagnons, qu'Allah les agrée tous, étaient indicateurs de bien et ils cherchaient à se devancer pour accomplir le bien. Fahuna inda qawli Abi Dharr radiyallahu anhu law hasala annahu hasala annahu yuqtal فقبل ذلك لو يستطيع أن يبلغ كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لبدر إلى ذلك ولم يتأخر فكل ذلك بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على التبليغ فهم يبلغون في شدتهم وفي رخائهم. Et donc la parole ici de Abu Dharr radiyallahu anhu, le sens est que si survenait à ce compagnon que si on allait le tuer et que si avant qu'on le tue, qu'il était possible pour lui de transmettre une parole qu'il a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'empresserait et il ne s'attarderait pas à la transmettre. Et donc cela montre et met en évidence ce sur quoi étaient les compagnons, qu'ils étaient désireux de transmettre la science. Et les compagnons transmettaient la science, que ce soit dans leurs moments difficiles ou que ce soit dans leurs moments prospères. Radiallahu anhum jami'an. Thumma istadalla al-Bukhari rahimahallahu ta'ala wa qala Abdullah ibn Abbas fi qawli Allah ta'ala كونوا ربانيين أي علماء حكماء حلماء فقهاء ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهنا استدل البخاري رحمه الله تعالى بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير قول الله عز وجل كونوا ربانيين. Et donc ici al-Bukhari رحمه الله تعالى s'est argumenté de la parole du compagnon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما concernant l'explication de la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il a dit « Soyez des éducateurs ». Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit « Savant, sage, patient, doué de compréhension ». Et on dit que l'éducateur est celui qui éduque les gens en commençant par les bases simples. En commençant par les bases simples de la science, avant les points compliqués. Fahuna qila anna hadha al-khitab huwa li ashabihi ay li ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qila hadha al-khitab huwa li 'amati an-nas. فعند قول عبد الله بن عباس حلماء ما هو الحلم؟ الحلم كما عرفه العلماء منهم العلامة شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. الحلم هو عدم تعجل وعدم الإسراع ويكون معه الثبات والصبر. فالحليم هو الذي يتأنى في أموره ولا يتعجل. Ici, lorsque Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما a donné la définition de Ar-Rabbaniyoun dans le verset. Il a donné quatre mots, quatre explications. Le premier, ulama'u, savant. Le deuxième, hukama'u, sage. Le troisième, hulama'u. Et le quatrième, fuqaha'u, doué de compréhension. Le troisième, hulama'u, ce nom est tiré d'un nom qui est el-hilm. El-hilm, comme l'ont défini les gens de science, parmi eux, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahallahu ta'ala. Qu'est-ce que el-hilm? C'est le fait de ne pas sans presser. C'est le fait de ne pas s'empresser. Et en cela, la personne devra être patiente et devra être ferme. Donc ici, Ar-Rabbaniyoun, parmi les descriptions, c'est que la personne ne doit pas s'empresser, c'est-à-dire qu'elle doit agir posément. Elle doit agir posément. Et elle ne doit pas s'empresser. Ceci est la définition. Fa ar-rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa shay'an fa shay'an wa la ya'ti bil 'ilmi as-sa'b. ولا يفهمون منه شيئا ولا يستفيدون منه شيئا. Et on a dit que Ar-Rabbani est la personne qui va enseigner aux gens étape par étape, petit à petit, et il ne va pas enseigner aux gens en leur enseignant des sciences, des points de science difficiles qu'ils ne comprendront pas et qu'ils ne tireront aucun profit. Faqila ar-Rabbani huwa alladhi yajma'u bayna at-ta'lim wat-tarbiya. Far-Rabbaniyun humu alladhina jama'u bayna at-ta'lim wat-tarbiya. Wa hunaka 'ulama يعلم الناس ولكن لا يربي فالعالم عليه أن يعلم الناس وأن يربيهم فيربي بقوله وبالتوجيه وبإرشاده ويربيهم كذلك بفعله وبسلوكه فكم من طالب تأثر بشيخه وإن لم يكثر عليه من الكلام. Et donc concernant Ar-Rabbani, certains gens de science ont dit que Rabbani est celui qui va concilier entre enseignement et éducation. Donc, les éducateurs, donc ce sont ceux qui vont concilier entre enseignement et éducateur. Il se peut qu'on trouve ou qu'on trouve des gens de science qui vont enseigner aux gens, mais qui ne vont pas les éduquer, bien que ces gens de science sont des personnes de bien. Mais sauf le savant, celui qui enseigne, il doit donc enseigner aux gens et aussi les éduquer. Il les éduque par ses propos, par des conseils, par des directives. Il les conseille, donc, et aussi, il va les éduquer par son comportement, par ses actes. Et combien on a trouvé des gens de science qui ont été énormément influencés par leurs professeurs, plus que ce que leur ont dit leurs professeurs comme parole de science. فَإِذَنْ أَرَّبَّانِ هُوَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ وَحِلْمٍ وَفِقْهٍ وَمَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ ou ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya. Et donc al-Rabbani, c'est celui qui a de la science, qui a de la sagesse, qui a de la patience, qui comprend, qui connaît les points de la législation. Fahuwa yurabbi bil umur al-wadiha al-sahla qabla al-umur al-daqiqa allati la tu'rafu bis-suhula. Et donc le Rabbani, c'est celui qui va éduquer les gens en leur citant des points clairs, faciles, avant de leur citer des points compliqués qu'ils ne pourront pas comprendre. Fayabda bil aysar wa bitadarruj wa la yabda bima la yafhamun. Et donc la personne éducatrice, la personne de science, elle va commencer par des choses simples et elle va enseigner étape par étape. Et elle ne commencera pas par des choses que les personnes ne comprendront pas. Et c'est pour cela, qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kama ja'a ta'liqan fi sahih al-Bukhari hadithu an-nasa bima yafhamun aturiduna an yukazzaba Rasoulou, an yukazzab Allah wa Rasoulou. Et donc c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, vous le trouvez dans le Kitab al-Ilm de Sahih al-Bukhari, mais sans chaîne de transmission. Ce compagnon qu'Allah l'agrée a dit, enseignez les gens en ce qu'ils puissent comprendre. Et voulez-vous qu'on mente sur Allah et son messager? C'est-à-dire, cette parole qu'il a dite, c'est qu'on doit enseigner aux gens ce qu'ils peuvent comprendre. Mais on n'a pas à leur enseigner des choses difficiles, compliquées, qu'ils ne pourront comprendre. Et il se peut que par cela, selon leur mauvaise compréhension, ils pourront mentir sur Allah et son messager. Fa'at-ta'lim wa at-tadarruj wa at-tawdih al-umur allati fiha as-suhula wa laysat fiha al-ghumud wa at-diqqa an yabda'a biha qabla hadhihi. فلا يبدأ بالمسائل التي ليست بالسهولة. Et donc, l'enseignement est enseigné par étapes et éclaircir les choses, les points simples, où il n'y aura pas de confusion, d'ambiguïté. Donc la personne doit commencer par cela. Elle ne commence pas par les points difficiles, les points de science difficiles. فَلِهَذَا قَالَ إِبْنُ حَجَرْ الْعَسْقَلَنِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقَالُ رَبَّانِ أَوْ لَا يَكُونُ رَبَّانِ حَتَّى لا يكون ربانية حتى يكون عالما وعاملا ومعلما أي العلم والعمل والدعوة. Et donc c'est pour cela que Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala a dit, la personne ne sera un rabbani, un éducateur, que si elle a de la science, que si elle met en pratique et que si elle enseigne. فَهُنَا لا يفوتني أن أنبئكم أو أذكركم فائدة من أهل العلم. فالرباني هو الذي يسلك الطريق المستقيم، وهذا الطريق المستقيم هو السنة، وهذا الطريق يحوي أو يحتوي العلم والعمل والدعوة والصبر. فهذا الطريق طريق طويل، كما أشار إذا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنة لابن أبي عاصم، وهذا الحديث صححه العلامة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا، فقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهنا قال أهل العلم من السلف، منهم مجاهد رحمه الله تعالى، ومالك بن آنس رحمه الله، وبكر بن عالة رحمه الله، هنا الخط الطويل السبيل الله هو السنة، والسبل التي خطاها نبينا صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره هي شياطين الإنس، وهي البدع والشبهات. فلهذا عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا يدل أن هذا الطريق طويل، يحتاج أو له مراحل: العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك، بخلاف أهل البدع وأهل الأهوى، فإنهم لم يسلقوا هذا الطريق. فلهذا عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا قصيرة تدل على انحرافهم. Et donc, avant de terminer, concernant lorsque Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a parlé au sujet de l'éducateur. Donc on a vu que l'éducateur, comme on a cité la parole de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, que l'éducateur est celui qui a de la science, qui met en pratique sa science et qui invite, qui appelle les gens, et qu'il doit patienter en cela. Et c'est pour cela que certains gens de science, concernant Al-Rabbani. Ils ont dit que Al-Rabbani a pris le chemin droit. Il a suivi le chemin de rectitude. Et que ce chemin, c'est un chemin qui renferme la science, l'acte, l'appel et la patience. Et cela a été, et c'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Ibn Abi Asim dans son sunna. C'est le compagnon Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé devant eux un long trait. Devant eux, il a tracé un long trait. Et il a tracé sur la droite et la gauche de ce long trait des petits traits. Et ensuite, il a placé son doigt sur le long trait et il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Où est le sentier d'Allah. Et comme les gens de science, les salafs, parmi eux, l'imam Malik, rahimahullah, et également Mujahid, rahimahullah, et Bakr ibn al-Ala, rahimahullah, ont dit, ce sentier, c'est la sunnah. Et les traits qu'il a tracés à sa droite et à sa gauche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des sentiers. Et à chaque sentier, il y a un diable qui y invite. Ici, le sens, comme l'ont dit les personnes que nous avons citées, les gens de science que nous avons cités, ils ont dit que ces sentiers, donc, que à chaque sentier, il y a un diable, c'est un diable humain. Et que ces sentiers sont les innovations et les passions. Et donc, ici, les gens de science ont souligné que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un long trait, c'est pour signifier que ce chemin, le chemin de la vérité, c'est un long chemin qui nécessite de la patience. Que tout d'abord, la personne doit commencer par la science, mettre en pratique, inviter et patienter. Contrairement au trait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé à droite et à gauche, ce sont des petits traits. C'était pour montrer la déviation des gens de l'innovation. Les gens de l'innovation empruntent un chemin, mais ce chemin est faux. Et ce chemin que les gens de science, Ahl Sunna wal Jamaa, emprunte, c'est un long chemin. C'est un chemin qui nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Donc nous allons terminer ici. Et Inch'Allah, donc la semaine prochaine, je pensais commencer le chapitre suivant. Donc la semaine prochaine, on commencera, Inch'Allah, le chapitre suivant. Le titre qu'a donné Al-Bukhari rahimahullah ta'ala est Babu makana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwaluhum bil maw'izati wal 'ilmi kay la yanfiru. Haddathana Muhammad ibn Yusuf qala akhbarana Sufyan 'an al-A'mash 'an Abi Wa'il عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الشعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Donc la semaine prochaine, inshallah, on regardera ce qu'ont dit les gens de science concernant le chapitre suivant, qui est chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait des instants pour exhorter et pour dispenser les compagnons afin qu'il n'ait pas d'aversion. Et donc Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné deux hadiths, bien sûr en mentionnant leur chaîne de transmission. Le premier hadith, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous choisissait des jours pour nous exhorter, de peur qu'on s'en lasse. Et dans l'autre hadith, c'est le compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: facilité et ne rendez pas les choses difficiles, et soyez annonçateurs de bonnes nouvelles, et ne faites pas fuir les gens, ou ne repoussez pas les gens. Donc, inshallah, la semaine prochaine, on verra ce qu'ont dit les gens de science, les grands savants, concernant ce chapitre. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.